Chapitre 20. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il fut d'accord de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. « Allez-vous aussi travailler dans ma vigne, leur dit-il, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que, répondirent-ils, personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Eh bien, allez-vous aussi travailler dans ma vigne ?» Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant par ceux qui ont été engagés en dernier et en terminant par ceux qui ont été engagés en premier. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent à l'heure et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ceux qui avaient été engagés en premier vinrent, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils s'indignaient contre le propriétaire et disaient, « Ces ouvriers engagés en dernier lieu n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas trompé. Tu as été d'accord de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet homme qui a été engagé en dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? » Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers. Et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Comme Jésus se rendait à Jérusalem, il prit les 12 disciples à part et leur dit tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le cloueront sur une croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Promets-moi que mes deux fils que voici seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons, » lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, » leur dit Jésus. « Mais ce n'est pas à moi de décider qui sera assis à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme prix pour la libération de beaucoup d'hommes. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier, « Maître, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur faisait des reproches et leur disait de se taire, mais ils criaient encore plus fort, « Maître, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Maître, lui répondirent-ils, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt les deux hommes purent voir et ils le suivirent.